1, 2, 3, 4. Est un loup, est un chou italien formidable, concher Rodalou à la limite égoïste et charmeux comme une tombe, où il finira seul dans un trou, regrettant ses paroles et pleurant les mauvais coups qu'il a donnés à tous ces chiens qui les méritaient bien. Il se la pète, il sait tout et prend de minables raccourcis et se targue d'avoir tué le feu, la poudre et le canon alors qu'il n'a fait que l'artillerie, la soudure à l'arc, les épinards et le beurre et les flèches dans le cœur. Quand on a vérifié ça, on sait qu'il n'en fait rien qu'à sa tête, on peut dire alors qu'il se la pète. Il se la pète, c'est tout, c'est qu'il se la pète, il a bon appétit, c'est tout, il se la pète. Ça, on sait qu'il ne fait rien qu'à sa tête, on peut dire alors qu'il se la pète. Il se la pète, il sait tout, il sait qu'il se la pète, il a bon appétit, il sait tout, il se la pète.